إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن هذه الأمة الإسلامية ابتليت منذ دهر طويل بأنواع كثيرة من البدع والمحدثات وذلك في الاعتقادات والأعمال والأقوال والمناهج كانت سببا في تفرقها وضعفها وتشتتها أحزابا وشيعا قال الله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف الأمة وآثار سلف الأمة في النهي عن البدع والتحذير منها من ذلك قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم قال هذا صراط الله ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا صغيرة ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم تلأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وقد قال الإمام مالك رحمه الله تلكم الكلمة المشهورة عنه رضي الله عنه ورحمه من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا Chers musulmans et musulmanes, sachez que la communauté musulmane a été éprouvée, et ceci depuis bien longtemps, a été éprouvée par de nombreuses innovations. Des innovations qui sont apparues dans la croyance, dans les actes et les adorations, dans les paroles, dans les chemins à suivre. Et toutes ces innovations, et toutes ces choses nouvelles qui ont été attribuées à la religion de l'islam, mais qui n'en font en aucun cas partie, ont été la cause de la division de la communauté musulmane. Elles ont affaibli cette communauté et l'ont divisée et dispersée en plusieurs groupes et sectes. comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, selon le sens, mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte étant contente de ce qu'elle détenait. Et celui qui contemple les textes religieux, dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans ce qui a été rapporté par les pieux prédécesseurs de cette communauté, il verra que les textes sont extrêmement nombreux, venant interdire l'innovation et venant mettre en garde contre celle-ci. Allah Azza wa Jalla a dit, et voilà mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les autres voies, car cela vous dispersera de sa voie. Ainsi, il vous a recommandé afin que vous atteigniez la piété. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un jour un long trait droit et a dit ceci, la voix d'Allah. Puis il a tracé à droite et à gauche de ce grand trait des petits traits et il a dit ce sont des voies. Il y a à la tête de chacune d'elles un diable qui appelle à celle-ci. Puis il a lu la parole d'Allah Azza wa Jalla selon le sens. Et ceci, et ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les autres voies. Et l'imam Malik rahimahullah a dit, et cette parole est réputée de lui rahimahullah ta'ala, il a dit, celui qui innove en islam une innovation, en la considérant bonne, il a alors prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Car Allah azza wa jalla a dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion. Et l'imam Malik rahimahullah de dire, et ce qui n'était pas à l'époque une religion, ne peut être aujourd'hui une religion. Ce qui n'était pas considéré comme l'islam au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au temps de ses compagnons et de ceux qui les ont suivis, comment une chose peut-elle être une religion à notre jour si elle n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wa an Aisha radiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min, fahuwa radd. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وهو كالميزان للأعمال الظاهرة كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ولا رسوله فهو مردود على عامله وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء وإن من جملة البدع ما ابتدعه بعض الناس في شهر ربيع الأول من بدعة عيد المولد النبوي يجتمعون في الليلة الثانية عشرة منه في المساجد أو البيوت فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصلوات مبتدعة ويقرؤون مدائح للنبي صلى الله عليه وسلم تخرج بهم إلى حد الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وربما صنعوا مع ذلك طعاما يسهرون عليه فأضاعوا المال والزمان وأتعبوا الأبدان فيما لم يشرعه الله ولا رسوله ولا عمله الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا المسلمون في القرون الثلاثة المفضلة ولا التابعون بإحسان ولو كان خيرا لسبقونا إليه. Et selon Aïcha radiyallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui innove dans notre commandement, ce qui n'en fait pas partie est rejeté. Et dans la version de Muslim, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit un acte dont il n'y a pas un autre commandement est alors rejeté. Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ce hadith est une base immense des bases de la religion. Et c'est une balance. Ce hadith est une balance par laquelle l'on mesure les actes apparents. Comme le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent que par l'intention et une balance pour les actes intérieurs. Ainsi, tout acte qui est fait et qui n'est pas voué à Allah Azza wa Jalla exclusivement, alors celui qui fait cet acte n'aura aucune récompense. Également, celui qui commet ou qui fait un acte sans qu'il n'y ait dans cet acte un ordre d'Allah ou un ordre de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors cet acte est rejeté et n'est pas accepté de celui qui l'a fait. Ainsi, toute personne qui innove dans leur religion en faisant une chose que ni Allah ni son envoyé sallallahu alayhi wa sallam n'ont autorisé de faire, alors cette chose n'est en rien ou ne fait partie en rien de la religion. Et parmi les innovations qu'ont innové certaines personnes dans ce mois de Rabi' al-Awwal, il y a l'innovation de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se réunissent la nuit, la 12e nuit, dans les mosquées ou dans les maisons, en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon innovée, en lisant des éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui font de ces personnes des personnes qui abusent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui abusent sur la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous a interdit d'abuser à son sujet. Et parfois, certains préparent des repas, des gâteaux, des friandises. Ainsi, en faisant cela, ils ont à la fois perdu leur argent et perdu leur temps, et ils ont fatigué leur corps dans une chose que ni Allah subhanahu wa ta'ala ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont autorisé de faire, dans une chose que ni les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas fait. Ils ont perdu leur temps, leur argent et ont fatigué leur corps dans une chose que les califes bien guidés n'ont pas fait, que les musulmans qui ont vécu dans les 3 siècles méritoires n'ont pas fait, ni ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Et il n'y a aucun doute que si cela était un bien, que si le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un bien, alors les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous auraient précédés à cela, car ils étaient plus motivés à rechercher la vérité que nous, car ils aimaient plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous. Ainsi, si cela était un bien, il nous aurait précédé à cela. Ayyuha al-muslimun, inna bid'at al-mawlid allati tuqamu fi shahri rabi'in al-awwal fi al-laylati al-thaniyati 'ashrati minh laysa laha asasun min at-tarikh li'annahu lam yathbut أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك الليلة، وقد اضطربت أقوال المؤرخين في ذلك، فبعضهم زعم أن ولادته صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول، وبعضهم في الثامن، وبعضهم في التاسع، وبعضهم في العاشر، وبعضهم في الثاني عشر، وبعضهم في السابع عشر، وبعضهم في 22. فهذه أقوال 7 ليس لبعضهم ما يدل على رجحانه على الآخر، فيبقى تعيين مولده صلى الله عليه وسلم من الشهر مجهولا. وإذا لم يكن لبدعة عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أساس من التاريخ، فليس لها أساس من الدين أيضا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها، ولم يأمر بها ولم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que l'innovation de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucune base historique. Ceci, car il n'est pas rapporté de façon formelle le jour exact dans lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les historiens se contredisent et apporte diverses versions quant au jour en lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le deuxième jour du mois de Rabi al-Awwal. D'autres ont dit que c'était le huitième, d'autres ont dit que c'était le neuvième, d'autres le dixième, d'autres le douzième, d'autres le dix-septième et d'autres le vingt-deuxième jour du mois de Rabi al-Awwal. Ce sont donc 7 avis, et il n'y a rien qui prouve qu'un avis est plus fort que l'autre. Ainsi, le jour exact dans lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut être attesté de façon incontestable. Ainsi, nous pouvons considérer que le jour dans lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam est inconnu. Nous savons qu'il est né le mois de Rabi al-Awwal, de l'année de l'éléphant, mais le jour exact, nous ne le connaissons pas avec certitude. Comment une adoration par laquelle on se rapproche d'Allah peut-elle, aurait pu être légiférée dans un jour incertain? Cela est une preuve que de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'une innovation qui n'a pas de fondement ni historique ni religieux, car ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fêté le jour de sa naissance, ni n'a ordonné ou encouragé de le faire, ainsi que ses compagnons, radiyallahu anhum. Wa ala al-qawli al-mashhur, anna wiladatahu sallallahu alayhi wa sallam, kanat fi shahri rabi'in al-awwal, laylata thintay ashrah, yuqabiluhu anna wafatahu sallallahu alayhi wa sallam, kanat fi dhalika shahr. ولا شك أن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت أعظم المصائب على وجه الأرض. قال الفكهاني رحمه الله تعالى هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو ربيع الأول، هو بعينه الشهر الذي توفي فيه، فليس الفرح بأولى من الحزن فيه. وقال ابن الحاج المالكي رحمه الله العجب العجيب، كيف يعملون المولد بالمغاني والفرح والسرور كما تقدم لأجل مولده صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، وهو صلى الله عليه وسلم انتقل إلى كرامة ربه عز وجل، وفجعت الأمة وأصيبت بمصاب عظيم لا يعدد ذلك غيرها من المصائب أبدا، فعلى هذا كان يتعين البكاء والحزن الكثير وانفراد كل إنسان بنفسه لما أصيب به. Et en admettant de prendre l'avis le plus connu chez les savants, à savoir que le jour où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le 12e, nous répondons que le mois de Rabi al-Awwal est également le mois dans lequel est décédé le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et il n'y a nul doute que la plus grande catastrophe qui a touché cette communauté musulmane est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la plus grande catastrophe qui a touché la communauté musulmane, et il n'y aura pas de catastrophe plus grande, et ceci jusqu'au jour dernier. Al-Imam al-Fakahani rahimahullah ta'ala a dit: le mois dans lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le mois de Rabi al-Awwal, est également le même mois dans lequel il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le fait d'être réjoui dans ce mois n'est pas plus conseillé que d'être triste pendant celui-ci. Et l'imam ibn al-Hajj al-Maliki, rahimahullahu ta'ala, a dit, il est tellement grand, comment ceux qui fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec de la musique, en étant joyeux, heureux, en fêtant cette naissance, comme cela a été précédemment cité. Et ceci pour fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce mois, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejoint son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et la communauté musulmane a été frappée de cette immense catastrophe qui ne peut être égalée par aucune autre catastrophe, qui est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il serait plus juste de dire que de pleurer, d'être triste, prévaut sur le fait d'être content et joyeux durant ce mois. Et ainsi, le musulman doit se remettre en question et doit réfléchir sur cette catastrophe qui a touché la communauté musulmane, à savoir la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuha al-muslimun, al-a'yad wal-mawasim al-diniya التي يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتعظيمه وتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم هي من العبادات فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله وأول من ابتدع الاحتفال به الروافد من الخلفاء الفاطميين في أواخر القرن الرابع الهجري بعد انقراض القرون الخيرية قال العلامة المقريزي رحمه الله وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم وهي موسم رأس السنة وموسم أول العام ويوم عاشوراء ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي بن أبي طالب ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد فاطمة إلى آخره من أعيادهم البدعية. إذن أول من افترى وأحدث هذه البدعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون الذين يسبون أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين إنهم شرعوا عيدا لم يأذن به الله ولا رسوله إذ لا يعرف في الإسلام من الأعياد السنوية إلا عيدين عيد الأضحى وعيد الفطر فعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. Et sachez que toute fête ou toute cérémonie religieuse dans laquelle il est voulu le fait de se rapprocher d'Allah et d'immensifier son prophète صلى الله عليه وسلم, que cela fait partie des adorations. Ainsi, elles doivent être faites en totale concordance avec les prescriptions d'Allah et de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Et les premiers à avoir innové le fait de fêter la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont les Rawafid, parmi les califes fatimites, qui soi-disant descendent ou font partie de la descendance de Fatima radiyallahu ta'ala anha. Al-Rawafid, qui sont la secte la plus égarée, la faction la plus éloignée de l'islam parmi les chiites. Cette même faction qui insulte sans aucun scrupule Abu Bakr radiyallahu anh. Ils insultent Omar ibn al-Khattab radiyallahu anh. Ils insultent Aïcha radiyallahu anha en l'insultant de vache. Et dans Sourate al-Baqarah, lorsqu'Allah azza wa jalla dit fadhabahuha, ils l'ont égorgé. En parlant de la vache, ils ont dit c'est Aïcha radiyallahu anha. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Ce sont eux qui ont innové le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci vers la fin du 4e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire après les 3 siècles bénis, les 3 siècles méritoires dans lesquels ont vécu les compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les ont suivis. Al-Allamatu al-Maqrizi rahimahullah a dit, et les califes fatimites ont dans toute l'année diverses fêtes et cérémonies. Ils fêtent le début de l'année, ils fêtent le jour de Ashura, ils fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la naissance de Ali ibn Abi Talib, la naissance de Hassan et de Hussein, la naissance de Fatima, et bien d'autres fêtes qui sont toutes des innovations, qui sont toutes égarements et qui éloignent toutes de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc légiféré une chose que ni Allah ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont autorisé de faire. Car en islam, il n'y a que deux fêtes. Il n'y a que deux fêtes. La fête de l'adha et la fête de l'fitr. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a trouvé les gens prenaient deux jours dans lesquels ils jouaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, quels sont ces deux jours? Ils ont dit, ce sont deux jours dans lesquels nous jouons. Et nous faisions cela pendant la période anti-islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors dit, Allah vous a remplacé ces deux jours par des jours bien meilleurs, le jour de l'adha et le jour de l'fitr. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن بدعة المولد النبوي الشريف بدعة منكرة يضلل فاعلها، لأن دين الله تعالى قد كمل ولله الحمد. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإحداث مثل هذه المواليد يفهم منه أن الله عز وجل لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا ما أحدثوا زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه صلى الله عليه وسلم للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والحديث في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعمل ما يعلمه لهم وينذر لهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم. والخلاصة أيها المسلمون والمسلمات، أن الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأنواعه واختلاف أشكاله بدعه منكره يجب على المسلمين منعها ومنع غيرها من البدع والاشتغال باحياء السنن والتمسك بها ولا يغتر بمن يروج هذه البدعه ويدافع عنها فان هذا الصنف يكون اهتمامهم باحياء البدع اكثر من اهتمامهم باحياء السنن بل ربما لا يهتمون بالسنن اصلا وانما ومن كان هذا شانه فلا يجوز تقليده والاقتداء به وان كان هذا الصنف هم اكثر الناس وانما يقتدي بمن سار على نهج السنه من السلف الصالح واتباعهم وان كانوا قليلا فالحق لا يعرف بالرجال وانما يعرف الرجال بالحق. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une innovation en islam. C'est de l'égarement total, car la religion d'Allah azawajal a été parachevée et complétée par la grâce d'Allah. Allah azawajal a dit, selon le sens, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous la religion, c'est-à-dire je l'ai complétée et je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et celui qui innove dans la religion, en fêtant par exemple la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cela revient à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas complété la religion à cette communauté. Cela revient à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tout transmis à sa communauté jusqu'à ce que soient venues ces personnes qui ont innové dans la religion, ce qui n'en fait pas partie, en prétendant de façon mensongère que cela rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun doute que d'innover dans la religion est un danger gravissime et cela revient à contredire Allah et à contredire son prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Alors qu'Allah azawajal a parachevé, complété la religion pour ses serviteurs et il les a comblés de son bienfait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis de la façon la plus claire et de la façon la plus complète et il n'a pas délaissé une voie qui emmène au paradis sans qu'il ne l'ait enseigné à sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas une voie qui emmène en enfer sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait mis en garde de sa communauté contre celle-ci. L'imam Muslim rapporte dans son sahih, selon Abdullah ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas, Allah azawajal n'envoie pas un prophète sans qu'il ne soit une obligation pour lui de montrer à sa communauté tout le bien qu'il connaît et de mettre en garde sa communauté contre tout le mal qu'il connaît. Ainsi, sachez, chers musulmans et musulmanes, que de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit la forme de celle-ci, quelle que soit la forme de celle-ci, est une innovation et il est obligatoire pour les musulmans d'arrêter cela et de mettre en garde contre cette innovation et de se préoccuper à faire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à s'accrocher à celle-ci, à la mordre de pleines dents et prenez garde à ne pas être dupé par toutes ces personnes qui font la promotion de cette innovation et qui défendent le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ce genre d'individus n'ont pour motivation que de faire revivre les innovations, plus que de faire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vois même la plupart du temps que ces mêmes personnes ne donnent aucune importance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une personne dont l'état est ainsi ne doit pas être suivie et on ne doit pas la prendre comme exemple. Et prenez garde également à ne pas être dupé par la quantité. Ne soyez pas dupés lorsque vous voyez beaucoup de gens, malheureusement, qui fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le musulman ne regarde pas la quantité. Il suit avant tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il suit la voie des pieux prédécesseurs, même s'ils sont peu nombreux. Même s'ils sont peu nombreux, car la vérité ne se connaît pas à travers les gens, mais ce sont plutôt les gens qui sont connus à travers la vérité. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا للتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من البدع. اللهم إنا نعوذ بك من البدع. اللهم إنا نعوذ بك من البدع. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو أن نجهل أو يجهل علينا. اللهم وفقنا لرضاك. اللهم أمتنا مسلمين. اللهم أمتنا مسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.